Prononciation, exercice 36. Distinguez V, F. Écoutez. Je voulais faire un métier intellectuel. Distinguez les sons V et F. La profession d'orthophoniste favorise le travail en équipe. C'est une profession en relation avec la voix. C'est aussi une profession qui aide à développer chez les individus la faculté de communiquer.